Ce soir, c'est alcool à volonté, mes chers Hellboy. Nous n'avons pas réussi à nous emparer de l'enfant, mais nous avons tué Dumbalawa. Ah, viens par là, mon cher Cerberus. Oui, maître. Tu as été parfait ce soir. C'est bien pour ça que je te considère comme l'un de mes meilleurs lieutenants. J'ai simplement aidé le jeune malfait à accomplir sa tâche. Sa mère me l'avait supplié. On a même fait un genre de pacte. On a dû tailler des pouces et se mélanger le sang. Depuis, je crois que j'ai chopé une MST d'ailleurs. Comme dirait l'autre, toujours mettre du wasabi sur son gingembre. Ah, vous ne pouvez pas avoir plus raison sur ce point. Cependant, que ce soit le père ou le fils, aucun des deux n'ont réussi à terminer la tâche qui leur a été confiée. Kamisama, qu'allons-nous faire à présent ? Je pense que nous allons faire sortir nos amis de la prison d'Impel Down. Les Blue Gorilles nous aideront, comme par le passé. Nous devons également nous trouver un repère. Une suggestion, Cerberus ? J'en ai plusieurs, maître. Et je suppose que tu auras la ferme intention de revenir t'occuper de Jobar, n'est-ce pas ? Tu as toujours été si attentionné avec tes élèves. Même si mon désir d'enseigner est toujours aussi vivace, je n'aurai aucun regret de m'absenter quelque temps. Dans ce cas, Snap, je pense qu'il est temps pour toi de remettre ta fameuse combinaison de Batman. Vous savez bien que j'ai toujours eu des comics en horreur, maître. Comme nous tous. Mais c'est un moyen de pression indéniable sur le monde des otaku. Jusqu'à ce que je dicte enfin ma loi sur ce monde. Alan, au secours! Hein? Qu'est-ce qui se passe, Juan? C'est lui! C'est Sirius Blackjack! Il est venu pour te tuer! Oh putain, c'est pas moi, Chipawa, je vous promets! C'est moi que tu veux, t'en prends pas aux autres! Qu'est-ce que vous avez à crier comme ça, vous? Je ne peux pas me concentrer sur mes bulots! Laisse-moi passer, toi! Samus, remets la lumière, vite! Ça va, frangin? Je n'ai pas rêvé, c'était bien Sirius Blackjack! Comment a-t-il pu entrer sans le mot de passe audio? On s'en fout, il faut vite prévenir Madame Ingall! Justement, la voilà qui arrive! Les enfants, je sais que la mort du professeur Dumbalawa a dû vous choquer, surtout quand il a atterri en plein dans les gradins et que sa tête s'est retrouvée à une centaine de mètres. Mais bon, il serait peut-être temps de dormir. Mais c'est quoi ce foutoir ? Vite, prévenez les flics, l'armée, n'importe quoi ! Blackjack, il est venu pour me tuer ici même. Vraiment ? Mais c'est très grave en effet ! Je vous le fais pas dire ! On verra ça demain. Mais on peut encore le choper ! Oui, mais j'ai sommeil. Allez, bonne nuit les enfants ! Je le crois pas. Mais comment elle veut qu'on ferme l'œil maintenant ? Laisse tomber, c'est une cyborg, et il manque une case. Bon, viens par là. Rien à voir, mais faut que je te raconte un truc. Un drôle de rêve. Salut les petits lapins. Nous sommes aujourd'hui réunis pour vous souhaiter la bienvenue à Jobar, l'école des otaku. À la bouffe. Je vais vous dire quelques mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui font fun. Elfen Lied, Grand Line, Super Sentai, Goldorakko, j'accorde 150 points à Albator. C'est du grand spectacle. Sayonara, j'abuse Zambanawa. Mes bien chers frères, nous sommes réunis ici pour pleurer la mort de Chabus, Werceval, Butler, Ludwig von Dumbalawa, aussi appelé en certaines circonstances, Jabu Dumbalawa, ancien professeur de cosplay, puis directeur de l'école qui se trouve juste à ma gauche. Il était également président otaku de la Japanitude, Manitou suprême des possesseurs de PS3, entubeur de première, ordre du phénix, et j'en passe. Ah, je signale que la dernière information était censée être confidentielle. Mais après tout, il est mort. On l'appelait à la fois monsieur le directeur et parfois patron, mais il n'en restait pas moins un homme. Bon, c'est vrai que les enfants le surnommaient le Vioc, mais ce n'est pas à ça que je voulais en venir. Je voulais dire qu'il ne méritait pas un tel acte de barbarie. Il avait encore beaucoup de choses à faire du haut de ses 100 et quelques années. Je rappelle par ailleurs qu'il manque encore une de ses phalanges. Alors, celui qui met la main dessus est prié de bien vouloir la remettre aux objets trouvés. Je vais maintenant exorciser les esprits malins en faisant de grands gestes impressionnants. Bon, j'en ai assez entendu. Moi, j'y vais. T'as raison, c'est plutôt morbide. En plus, ils ont même pas parlé de la mort de Sénil. Pendant que tout le monde est ici, on devrait peut-être faire un tour dans son bureau. On pourra peut-être trouver des indices sur ce complot. Ok. Pour parler d'autre chose, mon bras il sera bientôt tout neuf. Ils ont dépêché des bons médecins pour me soigner. Par contre, personne veut me croire sur le retour de tu sais pas qui. Bande de losers! Moins fort, c'est une cérémonie là. Ah ouais, pardon. Sinon, toi, ça va? Moyen. Moi c'est pareil. Ah tiens, mais au fait, Sénil, il t'avait pas crevé les deux yeux? Ah ouais, c'était pour ça que j'étais venu à la base. Je suis complètement guéri. Mais comment ça se fait? C'est secret! Ah, cool. Bon bah, à plus. Essaye de plus te faire enrôler chez les méchants. Merci du conseil, à plus! Mais attendez là, j'en ai pas fini avec vous. Alors c'est ça le bureau du Dirlor? Il faisait jamais le ménage ou quoi? Matessa, c'est le casque de Megaman pour la répartition. En fait c'est d'arnaque, il y a juste un générateur automatique des noms des quatre temples avec un haut-parleur intégré. Albator. Qu'est-ce que c'est que ce grognement bizarre? Maintenant que j'y pense, il y avait ce bruit-là la dernière fois que je suis venu ici. Ah! Un ours! Maman! Faut faire le mort! Bah alors? Il se passe rien? Mais c'est Totoro! Maintenant que tu le dis, ça y ressemble, oui. Un animal légendaire qui a inspiré le film de Miyazaki. J'ai même pas eu peur. Et donc, il sert à quoi? Rien! Il est tout gentil, tout doux, et puis c'est tout! Alors on continue de chercher. Ah, il y a un rétroprojecteur ici. Je l'enclenche pour voir. Allô, allô, ça fonctionne ce bidule? Tu crois qu'il nous entend? Qu'il est mort, Hachi. Ça doit juste être un enregistrement. Bon, alors voilà. Ceci s'adresse à Monsieur Powa et Tid, ainsi que Miss John. S'il s'agit encore des idiots de quatrième année qui ont donné du piment à mon Totoro, je vous préviens, ça risque de barder sévère. Enfin, théoriquement, je serai mort quand vous regarderez ceci, alors bon, je passe pour cette fois. Bref, c'est bon, vous m'écoutez? Il s'agit de mes dernières volontés. C'est vrai que j'ai déjà fait mon testament en début d'année, mais c'est pas important. À Monsieur Hachi Powa, j'offre Sabal Kintama Grandeur Nature de Angelic Killer, la reproduction parfaite de celle qui lui a fait gagner son premier match. C'est dans mon tiroir de gauche. Merci, professeur. Tu l'as ou pas? C'est bon? Alors ça se dévisse normalement. Voilà. Et maintenant, je demanderai à Miss John de déposer son dé du risque à l'intérieur. Mais c'est le présent Tsunade-sama! Discute pas et fais-le. Bien. Tout à l'heure, vous irez dans la forêt et vous cacherez le Kintama dans un buisson. Et vous ne le récupérerez pas avant la fin de la saga. C'est très important. Moi, je pige rien. Je veux mon cadeau. Pas encore, Monsieur Tid. Il m'a parlé, là. Taisez-vous. D'abord, j'offre à Mademoiselle Elmiton John un recueil de contes pour enfants en espérant qu'elle en fasse bon usage. Hein? Il y a des dessins, c'est super joli. Le cadeau moisi. Tid. Désolé, professeur. À Wenal de Tid, j'offre une superbe armure de Pégase d'une valeur inestimable que j'ai dégotée à un vieux papy itinérant. Elle se trouve derrière mon armoire. Ici? Il y a un digicode. Le code est l'année de création du studio Clamp. Merci. Miton, c'est combien? Vous êtes désespérant. C'est 1989. Yes! Trop la classe! Mais c'est juste une boîte avec des sangles. Vous pourrez l'ouvrir uniquement lorsque... En fait, je sais pas trop, un de ces jours, quoi. En attendant, je vous conseille toujours de la porter sur votre dos, comme Seiya, quoi. Allez, sur ce, bonne chance, et allez mettre des fleurs sur ma tombe. Des lys, je veux des lys. C'est bien mystérieux, tout ça. On rentre dans notre dortoir. Tut, pas si vite. Vous êtes Hachi Powa, n'est-ce pas? Waouh, qu'est-ce que vous êtes belle. C'est vous la nouvelle infirmière de l'école? Silence, Almoum. Je suis Mademoiselle Freya Umbrella, la nouvelle directrice de cette école, dépêchée ce matin même par le nouveau ministre de la Japatitude. Et voici votre nouveau professeur de ninjutsu. Mais je vous connais. Vous travaillez avec mon père au ministère. Vous êtes le meilleur chasseur d'otaku qui ont mal tourné. Vous êtes trop la casse-gueule. Un peu de respect. Ce surnom n'est absolument pas justifié. Son vrai nom, c'est Abbas Fortrolla en réalité. Cela dit, c'est pas mieux. Ah, mais il est vraiment trop beau. C'était totalement prévu. J'avais évidemment vu cette petite marche de 12,5 cm. Enfin, bref, on se revoit dans mon cours juste après l'ellipse. Hein? Pratique cette transition. Je me demande ce qu'on va faire dans son cours. Fermez-la! Rangez vos bouquins, vous n'en aurez pas besoin! On n'en a pas. On vient juste de savoir que notre ordre de perm a été supprimé. Mais tu vas la boucler! Le prochain qui l'ouvre sans permission, je l'envoie se faire écarteler dans les cachots. Et le concierge Ruzard Gay sera bien content de... Rodriguez! Sans vouloir vexer, j'avais tout de suite remarqué ce livre par terre. Je voulais juste détendre un peu l'atmosphère. J'étais bon, hein. Ouais, il m'a regardé. Comme il est beau. T'as déjà oublié ton Wee-Wing ? Qui ? Laisse tomber. Sid ! Oui ? Debout ! Fermez-la ! Assis ! D'accord. Tabasfort Trolley, employé par le ministère. Vous aurez peut-être vos plus grandes peurs dans ce cours. Je vais vous apprendre à vous battre, car vous en aurez besoin. Vigilance constante. Mais pour ce premier cours, nous allons parler d'un sujet pour le moins intéressant. Tid ! Oui ? Debout ! Pouvez-vous me dire ce que les otaku redoutent le plus au monde ? Les manois ? Non, attendez, je crois que mon père m'en a parlé. Des objets maléfiques ? Ah si ! Réponse précaire, mais vraie sur le fond. Les maléfices, c'est pour ceux qui croient encore aux yokai, aux fantômes si vous préférez. Je me souviens d'un otaku débile qui croyait que la chambre en bas de son immeuble était hantée. Tout ça parce qu'elle était inoccupée et qu'il y avait vu de la lumière. Enfin bref, c'est tout juste bon pour une histoire franco-belge. Les objets soi-disant maléfiques sont tous créés par des otaku. Mine de rien, on est des gros geeks passionnés des mécaniques quantiques et de nanotechnologie. Imaginez un peu que quelqu'un se serve de ce savoir pour prendre le pouvoir. Eh bien c'est exactement ce qu'il se passerait si vous savez pas qui était de retour à la vie. Ce qui n'est pas le cas, évidemment. Je l'ai vu, il a tué Dumbanawa. Mais vous allez la fermer, Poa. Personne ne parle dans mon cours, à part les meufs. Enfin, je veux dire, les demoiselles. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, allez voir la directrice. J'ai pas de temps à perdre avec vos balivernes. Celui dont on n'arrive jamais à prononcer le nom était très doué dans ce domaine, autant que feu votre directeur. Seulement lui, il avait choisi d'agir dans l'ombre. Accompagné de ses Hellboys, comme il les appelait, il avait créé cet objet doté d'une grande technologie. Et quand on les réunit, il y a un dragon sacré qui arrive et on peut faire un vœu ? Bien tenté, mais non. Il est certain que sept pouvoirs aussi puissants font évidemment penser à certains mangas. Mais sept est un chiffre noble. Les sept étages, les sept nains... Ces objets sont destinés à plusieurs choses, mais on peut les regrouper en trois catégories. Ceux qui insufflent la douleur, ceux qui contrôlent une personne, et ceux qui peuvent tuer. Ce genre d'objet, en moins perfectionné, existait déjà dans les temps anciens. Et au fil des siècles, un fanat de mecha leur a donné un nom. Les Macross. Je ne vais pas vous refaire les cours du professeur Harid, mais il paraît logique que vous savez pas qui voulu en créer sept en hommage à une suite de cet animé, la série Macross 7. En effet, tout concorde. Il est possible de résister à certains de ces Macross, mais nous y reviendrons plus tard. Pour la suite du cours, je vais vous demander de pousser les chaises et les tables vers le fond de la classe, et de venir chercher un sabre. Ils ne sont pas affûtés, pour le moment. Oh, vous pourriez pas faire un peu moins de bruit dans la salle commune ? C'est pas possible tout ce bordel. Tiens d'ailleurs, dégagez, on va être seuls tous les trois. Le premier année, y'en a qui bossent ? Ouais, bon, ok, ça ira pour cette fois. Mais je te préviens que quand j'aurai assez de charisme, je te remettrai à ta place, hein ? Non mais... De toute façon, je vois pas pourquoi on devrait se cacher, faudrait être un expert pour comprendre. J'ai fait des recherches à la médiathèque. Aucun livre ne parle de Macross en tant qu'objet maléfique. Et rien de plus sur Internet. En plus, ça doit coûter un rein pour avoir ce genre d'infos sur les sites spécialisés. Mais nous, on en sait un peu plus, non ? Suffit de réfléchir un peu. On a détruit le Death Note, ça en fait déjà un de moins. Oh, et je parie que l'automail qui était greffé sur Dumbanawa en était un aussi. Tu nous avais dit qu'il était tout rouillé. À tous les coups, il avait réussi à s'en débarrasser tout seul. Il y a des chances. Tiens, en parlant de bras, il m'enlève mon plat de demain. Ça a été vite. Mais sinon, le Death Note, il était vraiment puissant. Il pouvait manipuler et tuer en même temps. Manipuler, ça me dit quelque chose. Tu te souviens de notre émission de radio du début d'année ? On avait dégoté une clé du Millennium. Je sais plus trop comment d'ailleurs. Et après, on en avait fait quoi déjà ? Cherche pas, c'était un épisode bonus. C'était pas censé apparaître dans l'histoire originale. Enfin, stop aux apartés. Ça nous fait 3 Macross, et il y en a sûrement un quatrième. Drachou avait un œil de la tribu des Kotoko. C'était pas plutôt Kuruta ? Ouais, c'est pareil. Il est devenu tout écarlate et il a réussi à manipuler Wingman Lukum. C'est pour ça qu'il était si bizarre à la fin du tournoi. En plus, il a dégringolé tous les escaliers sur une centaine d'étages. Et même qu'il a entraîné l'étudiant japonais dans sa chute. Heureusement que Fleur avait esquivé. Tous les étudiants sont priés de bien venir tout de suite au temple principal. Exécution. Qu'est-ce qu'elle nous veut encore celle-là ? Allons-y. En tant que nouvelle directrice de cet établissement, j'ai jugé qu'il était de mon devoir de garantir la sécurité absolue des élèves. Toi là, tu m'as fait mon décolleté, c'est ça ? Tu viendras me voir dans mon bureau après les cours. Oui, donc la sécurité. J'ai fait passer tout un tas de lois et de décrets d'éducation, et pas besoin d'un an pour tous les faire adopter, le ministère a tout de suite accepté. Toutes les organisations, associations, équipes, groupes ou clubs d'élèves de plus de 3 personnes sont dissous à compter de ce jour. Quoi ? Il y aura plus d'Angelic Killer, mais on a fait qu'un seul match. Parmi les autres décrets, j'ai l'autorité suprême pour infliger toute sanction, punition ou retrait de privilèges aux élèves. Tous les emails reçus sont relus par Monsieur Ruzardier. S'il voit quelque chose de compromettant, il a tous les droits de sanctions corporelles. De toute manière, il se prévait pas avant. Cette fois-ci, ça va saigner. Je déclare également la création d'une brigade inquisitoriale fantôme qui aura le droit de retirer des points aux élèves. De toute manière, on est largement en tête, on n'a pas de soucis à se faire. Ronald Tide, personne ne vous a demandé votre avis. Hop, collez ce soir, le concierge s'occupera bien de vous. Oh non! La brigade sera composée de... Bande d'arriérés, c'est qui le boss? Vous l'avez reconnu. Il y aura aussi Vito Sushi et Garo Sashimi, accompagnés de Glaise Panini et Fonzie Partition. Pour terminer, demain vous avez votre sortie au village de Préhistoire. Et malgré tous ces décrets, le ministère a jugé que laisser les enfants se balader sur l'île n'était pas si dangereux. Alors je n'ai pas le pouvoir de vous en empêcher. Mais celui qui n'a pas d'autorisation parentale, eh ben il est coincé ici. Sur ce, bonsoir. Mais j'ai même pas de parents, moi. Comment je pourrais avoir une autorisation? C'est débile. Le seul qui s'en approche, il veut ma peau. Et si tu allais demander au professeur Madame Ingall? Bonne idée. Allez, Wen, tiens le coup, on se revoit demain au village. Ouais. Non, pas moi. Mais je vous ai encore rien demandé. Seul un parent ou un tuteur peut signer la feuille. C'est mon dernier mot. Hé, hey, Arid. Arid. Oui, Hachi. Vous vous souvenez, en début d'année, je vous avais demandé si vous vouliez devenir mon nouveau papa. Vous y avez réfléchi? Mon petit, j'ai pas la tête à ça en ce moment. Je suis allé en prison et après Dumbanawa décède. Un grand otaku, cet homme-là. J'y réfléchirai peut-être la semaine prochaine. Vous servez vraiment à rien. Bon, il est temps que je me resserve de la combinaison invisible que m'a légué mon père biologique. Frimeur. Ça fait vraiment bizarre de pas te voir, Hachi. Les gens doivent me prendre pour une folle à parler toute seule. Ils te prennent toujours pour une folle, je te rassure. En tout cas, on a réussi à passer sans problème. Mais je n'ai pas vu Wan ce matin. Il a dû partir devant. Mais c'est bizarre, j'ai encore fait un rêve chelou cette nuit. D'abord, c'était une histoire avec le père de Wan qui se faisait attaquer par un serpent, enfin, sans importance. Mais après, j'étais dans une scène différente. J'étais pas spectateur, j'étais plutôt à travers les yeux de quelqu'un. Je sais pas qui c'est, mais il était en train de se cacher dans une armoire pleine de sous-vêtements. T'es vraiment un pervers, Hachi. Mais attends que je finisse. Il a entrouvert la porte et j'ai vu que c'était le bureau de Dumbanawa. Et là, il y avait Umbrella qui disait à Wan de nettoyer la vitre avec ses décrets, là. Et ensuite, un chien noir a déboulé dans la pièce et a mordu Wan. Après, le chien a tiré Wan vers la sortie et moi, je me suis réveillé en sursaut. Ah oui. Non, je ne me drogue pas, Miton. Non, c'est pas ça. Tu crois que ça s'est réellement passé? J'en sais trop rien, c'était drôlement réaliste. Si on ne voit pas Wan dans les parages, il faudra... Bande de copeurs. Stop. J'enlève 30 points à John. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aime pas ta tronche. C'est pas suffisant. Alors, t'as marché sur les plateformes du village. Mais y'a même pas de route. Tu te rebelles? Moins de 10 points, Albator. Laisse tomber, Miton. Ça y est, on arrive enfin au village de Préhistoire. Je comprends mieux pourquoi ça s'appelle comme ça. En fait, il n'y a pas de maison. Les habitants vivent dans des grottes. Par rapport à l'île, Jobar est sur l'autre flanc. Les gens d'ici sont des otaku qui ont plus ou moins raté leur diplôme, ou qui adoraient l'île du temps de leurs études. Même si certains sont un peu gâteux, ils arrivent à voir certains jeux vidéo ou mangas pas trop en retard sur le reste du monde. Je vois. Il se fait soif, on devrait aller dans un bar ou un truc du genre. Ici, ça s'appelle aux Trois Chobits. Il paraît que la gérante, Madame Ilia, est une fanat de Persocom. Ah oui, Arid nous en avait touché un mot pendant un de ses cours, mais j'ai oublié. Ce sont des robots humanoïdes. Pas très perfectionnés, hein. Mais ils peuvent faire des tâches simples, comme servir ou encaisser de l'argent. On les reconnaît à leurs oreilles bizarres en velours sur les tempes. Il y en a comme ça au chemin des pervers, je crois. Bonjour. Bienvenue à la maison. Que puis-je faire pour vous? J'ai une grande soif. Je voudrais 2 verres de bilubeur. Je vais me mettre par ici, au fond de la salle, à la fenêtre. Comme il vous plaira. Je vous apporte cela tout de suite. Bien joué. Tu peux juste déplacer cette plante pour que personne ne s'assoie à ma place? D'accord. Voici. 250 yens, s'il vous plaît. Voilà. Ben oui, ça fait du bien. C'est vrai, mais je m'inquiète quand même pour Wan. Attends, j'ai pris des livres pour pas avoir l'air trop cloche. Bande de siphonnés. Tiens, revoilà la faire une manoir. Toujours toute seule. Où sont le binocle et son acolyte de requin? Ben alors, Malfé, tu ne tiens pas droit? C'est toi qu'on devrait appeler Casse-Gueule. 50 points, Wan, bâtard. Comment aurais-je pu te faire un croche-pied alors que je suis à 1 mètre de toi? C'est physiquement impossible. Il y a au moins 10 personnes qui peuvent en témoigner. Ah, tu ne perds rien pour attendre. Merci, Hachi. Tout le plaisir était pour moi. Je voulais lui renverser ma bilubeur sur la tête, mais ça aurait été trop flag. C'est le chien que j'ai vu dans mon rêve. Il se barre, suivons-le. Hein? Bon, d'accord. Vite, Miton, il va vers l'extérieur du village. Faut pas le perdre de vue. Je ne suis pas forte à la course. Je sais, t'es une geekette, mais continue. Je retire juste ma combinaison optique et je te rejoins. Il est passé dans cette grotte, Hachi. Ok, suivons les traces de pattes. Juan, le chien, c'est lui, c'est Sirius Blackjack, c'est un cyborg. Vous? Bonjour, Hachi. Je croyais que tu devais m'envoyer des emails de temps à autre. Vous êtes un meurtrier. Vous valez même pas mieux que World of Morité. Hachi, il a fait des expériences sur moi, lui et l'autre cyborg. Un autre? Qui est là? Calme-toi, Hachi, on va tout vous expliquer. Professeur Lapin, c'est vous qui étiez derrière tout ça? Lupin... Je le savais! Je vous ai vu vous transformer, lorsque j'avais été donné à manger à Croque-Mou quand Hagrid n'était pas là. Ah bon? Et tu comptais nous le dire quand? Disons que ça m'est un peu sorti de la tête ces derniers temps. Hachi, Sirius et moi-même nous connaissons depuis très longtemps. Nous étions des amis de votre père. Vous avez quelque chose à voir avec la mort de mes parents? Borou des Morotés m'a fait porter chapeau de leur meurtre. J'ai rien à voir avec tout ça. Lorsque vous avez mis Vichou sous malfait en prison, j'ai appris qu'il allait réapparaître sous peu. L'attitude de Bella Swan a fait que le confirmer. De toute manière, nous savions tous qu'il n'était pas mort. Quand tu étais bébé, Hachi, il t'a implanté cette puce, et on ne l'a plus jamais revu. Nous avons fait partie de l'Ordre du Phénix, une organisation secrète destinée à lutter contre la menace des Hellboy. Nous avons dû faire face à la menace que représentaient les Macross. Je sais que le professeur Trolley vous en a parlé. Par la suite, ils furent dispersés, et certains furent en circulation sur le marché noir des goodies, baladés de main en main comme le Death Note. Je suppose que vous en doutiez. J'imagine que vous avez aidé Sirius à s'enfuir, c'est ça? Tout à fait. Lorsque nous avions votre âge, nous sommes devenus illégalement des cyborgs. Moi en loup, Sirius en chien et Jace en taupe. Mon père pouvait se transformer en taupe? Il a toujours aimé fouiner. Et qu'est-ce que vous avez fait à Juan? Désolé d'avoir été aussi violent. Je n'ai pas eu le choix. C'était le dernier ordre qu'il nous a transmis de Banawa. Je pense qu'il savait qu'il allait mourir. Bordel, mais vous m'avez fait quoi? Eh bien, désolé, mais Juan, tu es un cyborg. Quoi? Hein? Yeah. Alors moi, je vis ma vie tranquille, et là, il y a deux tarés qui me transforment en cyborg. Mais on est où, là? Je veux voir mon avocat. Reste assis, tes plaies ne sont pas encore cicatrisées, Juan. On aura tout vu dans cette école. Bon, et vous m'avez fait quoi, au juste? On t'a changé en un genre de centaure, mais à vrai dire, on s'est un peu gouré. Hein? En fait, tu seras un centaure, mais à l'envers. On a mal remonté ton buste. Quoi? Comme Franky dans One Piece? C'est l'idée, mais je te jure que c'était pas intentionnel. Mais vous êtes taré, pourquoi vous avez fait ça? Eh bien, seul un cyborg centaure peut revêtir l'armure de Pégase. Il te sera alors possible de voler. Super, mais je m'en fous, moi. D'une part, vous me faites ça sans me prévenir, de deux, je vais avoir l'air trop naze. Bon, tu t'y habitueras. Est-ce que vous savez où se trouvent les derniers Macross? Juste un seul. C'est John Banawa qui l'a trouvé. Il m'avait laissé un mot dans un rondeau en plus qu'il m'avait envoyé en début d'année. Apparemment, c'est une ancienne grotte où Borou des Morotés venait s'amuser quand il était gamin. Il était orphelin. De mère otaku et de père fan de comics. Waouh, c'est fou ça! Comme quoi, tout est possible. Moi, ça me brévus, mais bon, peu importe. Il est l'heure de se lever! Allez, la gymnastique du jour! 1, 2, 1, 2, on s'active! Faudra qu'on finisse de te configurer, Juan. Allons-y ensemble, Sirius. Je veux venir détruire le Macross avec toi. Quoi? Vraiment? Tu me fais confiance? Bien sûr! Parce que j'avais apporté plein de cassettes de Dr. Slump pour qu'on fasse plus ample connaissance. Helmiton, tu couvres mes arrières. Invente n'importe quoi, Umbrella. D'accord! Sois prudent, Hachi! Très bien. Allons-y, filleul. On va prendre mon vaisseau. T'as un vrai vaisseau? Évidemment. J'ai plein de fric, alors avant de venir, j'ai fait quelques emplettes. Prenez soin de vous. Je me disais que si t'en avais envie, tu pourrais venir chez moi cet été. Tu es en voir de toutes les couleurs avec ces familles de casse-cul. J'habite au 12, Square Kumo à Londres. Ouais, pourquoi pas? Tiens, tu pourrais pas me signer ça avant qu'on arrive? On sait jamais. Une autorisation parentale? Sans problème. Merci. Et donc, tu me disais que c'était Dumbanawa qui avait découvert les talents de Borou des Morotés? C'est cela. Il était venu ici il y a longtemps lors d'une excursion avec son orphelinat. L'un des enfants aurait disparu. Maintenant, j'imagine que c'est lui qui l'aurait tué à cette époque. On l'appelait Dame Tuckerman. Par la suite, il a changé son nom, mais gardé un deuxième surnom, le Joker. Je vois. C'est ici alors? Oui, on va se poser. Oula! Oh, les vagues sont trop fortes! Le vaisseau s'est coincé dans les récifs. On ferait mieux de continuer à pied. C'est noté. Eh, y a un copyright sur cette expression. Allez. L'entrée est par là. On arrive. Nous voilà dans la grotte. Merci, j'avais vu. Pas la peine de tout commenter. Chi, elle est mastoc. Je crois qu'on doit faire comment pour passer ce mur? T'as ramené un genre de Goods Bomberman? C'était sur le papier de Don Banawa. Il vous faudra placer un bras dans la roche, comme Indiana Jones. J'aurais voulu le faire moi-même, mais j'ai besoin de toutes mes forces pour me débarrasser de l'automail. Et puis bon, bah, place aux jeunes quand même. Et j'imagine qu'on va se faire charcuter la main. Probablement, mais on risque de... Mais pas le bras de... Ça s'ouvre. De toute manière, t'as un cyborg, non? Ouais, mais quand même, je ressens la douleur. So shot. Ouah, encore une plus immense grotte avec un lac. Au fait, tu crois que pour récupérer son Macross, Auron Moroté est obligé de se détruire le bras? Aucune idée. Il y a plusieurs passages, j'imagine. Et regarde au milieu du lac. Il y a une lumière au loin. Et il y a une barque. Vite, prenons-la. Pourquoi vite? Dans n'importe quel manga, ils auraient passé au moins 5 minutes à contempler la salle en faisant des « Oh !» et des « Waouh !» Bah c'est pas notre cas. Allez, monte là-dedans. Ok. Il y a des trucs bizarres dans l'eau. Ne la touche pas, on sait jamais. C'est quoi ça? Un bassin? L'eau est colorée, c'est étrange. Amène la torche par ici. Attends une minute, il y a quelque chose au fond. Une boîte transparente avec un genre de masque. C'est le Macross. C'est un masque de holo. Comment faire pour aller chercher? Je vais essayer de plonger la rame pour la récupérer. Wow, c'est de l'acide, ça se dissout. C'est impossible de le récupérer alors. Je vais y aller, Hachi. Je peux y résister. Non, fais pas ça. Tu vas y laisser ta peau. Littéralement. J'en risque de perdre ma partie humaine, en effet. Mais je peux bien faire ça, si c'est pour détruire l'un des instruments de mort de Waro et Moroté. Arrête, y'a d'autres moyens. Ah! Mais pourquoi il a fait une bombe? Il est malade! Prends le masque, Hachi. Qu'est-ce que... T'as dû activer un mécanisme. Y'a des monstres qui sortent de l'eau. Vite, remonte, remonte. On va reprendre le bateau. Je ressemble à Terminator, comme ça, non? C'est pas le moment. Je rame, essaye de les repousser. Ce sont des cyborgs aussi, Hachi. Boyer et Rose d'Apple Seed. C-17 et C-18 de Dragon Ball. Et par là, il y a un pacifista de One Piece et Gali de Ganbu. Tu crois qu'ils ont une partie humaine? Je dirais plutôt des genres de persocom. Tu as raison, ce sont des robots. Même s'ils ont été créés à l'image de ces bords de manga. La vache, ils ont des lasers! Oui, mais moi aussi j'ai des armes. On y est, Sirius. Va démarrer le vaisseau, je m'occupe de les revenir. Je connais rien, moi, à ça. Si seulement Harry était là. Ah, ça y est. Sirius, monte. Désolé, Hachi. Je ne suis pas assez fort. Va bien. Sirius, non.